Bonjour à toutes et à tous. C'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Et que j'ai baptisé « La Chine encore et toujours ». Il s'agit de l'appel désespéré de l'épouse d'un avocat torturé. Et oui, les droits de l'homme en Chine, c'est sûr qu'ils sont en constante régression, et pour ne pas dire inexistants. Et ce n'est pas seulement les Ouïghours, avec le génocide de toute une population, mais c'est aussi tous les opposants en Chine, parce que le régime, bien sûr, n'admet aucune opposition, aucune liberté d'expression. Sinon l'expression officielle. Et depuis janvier 2020, l'avocat Cheng Wenping, oui, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, a passé plus d'un an en résidence surveillée dans un lieu désigné. Sa femme, Chen Xijuan, décrit à Libération les tortures infligées à son mari et la pression incessante qu'elle subit par le régime. Brillant, altruiste, passionné, respectueux des lois, travailleur infatigable, Chen Xijuan et Cheng Wenping, 37 ans, tous les deux devraient être des modèles du rêve chinois. Mais pour l'État parti, ce sont au contraire des ennemis harcelés, enfermés et torturés. Cheng Wenping, avocat qui défend des victimes d'expulsion forcée ou de discrimination, a disparu depuis un an, placé pour la deuxième fois sous résidence surveillée dans un lieu désigné, pour l'accusation aussi grave que vague d'incitation à la subversion du pouvoir de l'État. Est toujours détenu sans procès, un cas emblématique du sort réservé ces dernières années par Pékin à tous ceux qui se battent pour défendre les droits des citoyens chinois. Chercheuse en microphysique dans un hôpital, sa femme, Chen Xijuan, devenue militante par la force des choses, a choisi de raconter à Libération la descente aux enfers de leur couple depuis janvier 2020. Malgré les menaces répétées des autorités pour l'empêcher de s'exprimer auprès de médias étrangers, elle se bat sans relâche depuis Shenzhen, j'ai du mal de prononcer le nom, en Chine, où elle vit avec leur fils pour tenter de faire libérer son mari. Un témoignage rare et courageux et un appel lancé aux autorités internationales que Chen Xijuan implore de sanctionner les auteurs de ces cruautés qui ne devraient pas être autorisés à voyager dans des pays démocratiques, ni à envoyer leurs enfants pour qu'ils jouissent de la liberté et du bonheur. Chen Wenping et moi sommes nés en 1984. Nous nous sommes connus au lycée à Baoji, dans une classe où avaient été regroupés les meilleurs élèves du district. Wenping avait été admis en avance dans le meilleur lycée de Xi'an, la capitale de province du Xiangxi, au centre du pays. Mais la vie y était trop chère pour ses moyens modestes, ce qui ne l'a pas empêché de remporter le concours national chinois de chimie en 2003. Déjà, il me parlait beaucoup de politique, d'actualité et d'économie, achetait l'Observateur économique et le Week-end du Sud, considérés comme libéraux. Il s'est formé tout seul à la finance et a été embauché à la China Merchant Security Company. Mais c'était le droit qui l'intéressait le plus. Il manquait rarement les conférences de juristes célèbres à l'université Tsinghua et à l'université de Pékin. En 2011, 2 ans avant la naissance de notre fils, il a passé le concours d'avocat. Pour moi, il ne faisait que tester ses connaissances juridiques. Et puis un soir d'hiver, dans un petit restaurant, il m'a annoncé qu'il avait réussi le concours. Jamais je n'aurais pu l'imaginer. Le début de sa carrière d'avocat a été difficile, financièrement. Nous vivions à Xi'an et ses honoraires couvraient à peine ses frais de déplacement. Mais il était quand même très excité à l'idée de défendre son premier client et a été fou de joie quand son deuxième a été libéré. Wenping est très tolérant et ouvert. Il pense que tout le monde a sa propre étincelle. Il a plein d'affection pour autrui. Une fois, lors du Nouvel An chinois, il a photographié toutes les personnes âgées isolées du village et leur a donné le tirage. Leurs vêtements usés et leurs visages sales ne le gênaient pas. Il estimait qu'elle aussi avait besoin d'attention et de respect. Wenping est une personne positive et fraternelle avec des opinions politiques très modérées. Et malgré les difficultés rencontrées dans son travail, il a toujours estimé que le système actuel a ses avantages. Il s'intéresse beaucoup à l'intérêt public. Il a attaqué en justice une entreprise parce que la mention « soja OGM » n'était pas inscrite en caractère assez gros sur l'emballage. Il a poursuivi le bureau de la sécurité publique, la police, de l'aéroport de Shenzhen ou Didi, le Uber chinois. Plus tard, il s'est mis à défendre des victimes du sexisme, des personnes issues de la communauté LGBT, plus victimes de discrimination, des victimes du harcèlement sexuel, notamment depuis le mouvement MeToo, des personnes expropriées et des cas de liberté religieuse. Tout cela commençait à déplaire et il a été régulièrement convoqué par la sécurité d'État pour boire le thé, pratique d'intimidation couramment employée par les services de renseignement. En novembre 2018, le bureau judiciaire de Baoji, notre ville natale, c'est toujours son épouse qui poursuit, l'a sanctionné pour ne pas avoir transféré ses honoraires sur le compte de son cabinet d'avocat, même si en réalité le cabinet ne pouvait pas émettre de facture et lui devait encore des dizaines de milliers de yuan d'honoraires. Son cabinet d'avocat a été radié. Cela a été le début du cauchemar. Wenping a contacté une douzaine de cabinets à travers le pays. Chaque fois qu'il s'apprêtait à signer un contrat, la direction recevait un appel et renonçait à l'embaucher. Des règles administratives modifiées en 2016 et 2018 font qu'au bout de 6 mois, sans cabinet, un avocat peut perdre sa licence. En décembre 2019, il s'est rendu à Xiamen pour participer à une rencontre informelle avec d'autres avocats de défense des droits de l'homme et des citoyens engagés. Je travaillais déjà à Shenzhen et lui vivait toujours chez nous à Xi'an quand il était arrêté le 12 janvier 2020. Il se cachait chez un ami. Plusieurs participants à cette réunion avaient été raflés le 26 décembre. On m'a appelé le lendemain pour me dire qu'il avait été placé sur RSDL, soupçonné du crime de subversion du pouvoir d'État et que sa licence d'avocat a été annulée. Ni moi ni ses parents n'avons jamais reçu aucun document légal au sujet de sa détention, ni aucune justification de l'accusation. La police a fouillé notre appartement, a emporté plus de 5 000 € et des souvenirs de voyage, sans aucun mandat et sans établir la liste des objets saisis. Sa RSDL a duré 11 jours et s'est déroulée dans une chambre située au sous-sol de l'hôtel Baotai à Baoji. 11 jours durant lesquels on l'a maintenu immobilisé sur une chaise du tigre, un dispositif métallique qui contient le corps et les membres de la personne interrogée. On ne le détachait que pour aller aux toilettes. Il m'a raconté que ses jambes étaient si enflées que la douleur le faisait pleurer. À cause des menottes, ses nerfs ont été endommagés. Il a perdu l'usage du pouce, de l'index et de l'annulaire de la main droite. La position assise lui a causé une constipation très douloureuse, mais la police lui a refusé les soins médicaux, lui expliquant que ceux qui avaient subi cela avant lui pendant un mois n'en étaient pas morts. On lui donnait qu'un bol de soupe de nouilles à midi, et le soir un petit morceau de pain à la vapeur, froid avec de l'huile de piment, afin de lui donner des vertiges. Les individus extérieurs avaient été payés pour le surveiller. Ils s'asseyaient exprès tout près de lui pour manger et boire, jouer aux cartes, et lui envoyait des nuages de fumée à la figure. S'il s'endormait, il le réveillait et l'obligeait à tenir la tête droite. La police a enregistré 16 de ses confessions en 11 jours. Lorsqu'il a été libéré sous caution, en attente du procès, le soir du 23 janvier 2020, il avait les joues creusées, les yeux rouges et avait perdu beaucoup de poids. Voilà donc, j'ai tenu quand même à parler de ce qui se passe en Chine, et puis par rapport à cet avocat qui défendait les droits humains, parce que trop c'est trop, on sait très bien en Chine que toutes les libertés individuelles et publiques ont été radiée pratiquement de la Chine aujourd'hui, et que qu'on continue malgré tout, bien sûr, à commercer et à considérer ce pays pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un pays communiste, alors que c'est un pays finalement où les grandes multinationales, où les grandes entreprises font quand même la loi, puis avec un gouvernement extrêmement autoritaire. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée, que je vous souhaite la meilleure possible, et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.